بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، donc biznillah tabaraka wa ta'ala wa nawasilu fi fadli rabbil bariyya bi sharhi durari al bahiyya al imam Muhammad bin Ali al Shawkani رحمه الله رحمة واسعة. Donc, bismillah, nous allons continuer dans le chapitre de Zakat. Et aujourd'hui, nous allons voir بإذن الله تبارك وتعالى باب مصارف الزكاة. مصارف c'est le pluriel de مصرف. Et مصرف veut dire الجهة, c'est l'endroit التي تعطي عليها الزكاة, où on doit donner la زكاة. قال المؤلف رحمه الله, l'auteur du livre, il dit « Babu masarif al-zakat » chapitre « Masarif al-zakat » c'est-à-dire l'endroit où on doit donner la zakat et les personnes qui méritent la zakat. C'est ce que nous allons voir dans ce chapitre. « Al-masarifu jam'u masrif » c'est le pluriel de masrif. Wa hiya al-jihatu allati tu'ta laha az-zakat, c'est l'endroit où on doit donner la zakat. Ay, c'est-à-dire alladhina yastahiquna az-zakat, ceux qui méritent la zakat. Wa qad tawalla Allah tabaraka wa ta'ala bayanahu, Allah s'est chargé de clarifier cela. Fi kitabihi al-karim, dans son noble livre, faqal, il a dit, innama as-sadaqatu lil-fuqara. La sadaqat qui est ici, la zakat, lil-fuqara, est donnée aux pauvres. والمساكين aux indigents, والعاملين عليها, et ceux qui travaillent dans la zakat, والمؤلفة قلوبهم, et ceux qu'on cherche à gagner leur cœur, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. وفي الرقاب, et aussi dans la libération des esclaves, والغامرين, et ceux qui sont endettés. وفي سبيل الله, et ceux qui sont sur le chemin d'Allah. وابن السبيل, et le voyageur. Et Allah dit ici, فريضة من الله, c'est une obligation qui vient d'Allah. الله عليم حكيم, et Allah est le savant et le sage. Voilà le mu'allif. L'auteur du livre dit ici, هي ثمانية كما في الآية, ils sont huit, comme cela se trouve dans le verset. فهؤلاء الأصناف الثمانية, voici les huit catégories. هم الذين يعطون من مال الزكاة. C'est ceux-là qu'on doit leur donner l'argent de la zakat. Premièrement, al-fuqara. Allah dit, innama as-sadaqatu lil-fuqara. Al-fuqara هم الذين لا مال لهم. Les fuqara, c'est ceux qui n'ont pas de bien. وَلَا حِرْفَةَ عِنْدَهُمْ. Et n'ont pas de gagne-pain. حِرْفَة, c'est الْعَمَلْ أو وظيفة. Une fonction, un travail de gagne-pain. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas. يَقْدِرُونَ بِهَا عَلَى التَّكَسُّمْ. Donc ils n'ont pas de gagne-pain qui leur permettent d'avoir la capacité d'obtenir l'argent. Donc, voici la définition du faqir. Alladhi la mala lahu wa la hirfata lahu. Il n'a pas d'argent et il n'a pas de travail. Il n'a pas de gagne-pain. Voyez. Al-masakinu. Il veut aussi dire pauvre. Ces deux-là, si on veut traduire en français, on va dire fuqara, les pauvres, al-masakin, les pauvres. Comme si d'autres vont dire les indigents. Al-nafs shay, c'est la même chose dans la définition. Voyez. Donc, qui sont les masakin? Les masakin, humul ladina lahum malun. C'est ceux qui ont l'argent. Ou herfa. Ou bien ils ont un gagne-pain. Walakinnahum la yamlikuna ma yakfi nafaqati. Mais ils ne détiennent pas ce qui suffit pour leurs dépenses. Wa nafaqati man ya'ulun. Et aussi les dépenses de ceux qui sont sous leur charge. C'est-à-dire Aïman Yunfikuna Alayhim, ceux qui dépendent sur eux. Pourquoi ici le cheikh il a mis la différence entre fakir et puis miskin? Alors il va donner un argument. Il dit qu'Allah Allahu Azza wa Jal dans Surat Kaf, Allah dit Amma Safinatu. Quant au bateau que Qidr avait mis une brèche, il dit Fakanat li masakin. Ce bateau appartenait aux masakin, qui est le prieur des miskin, ya'maluna fil bah. Ils travaillaient sur la mer. Fahaoula, donc ceux-là, ces masakin, Malakou Safina, ils détiennent un bateau. Wama Zalika Samahu, même avec cela, Allah les a nommés Masaki. Donc, voici la différence entre les deux. Al-Fakir, Alladi, Laysa lahu malan wala. C'est-à-dire mal ou la amal. Amal miskin, là où mal, ou là où herfa, lakin la yakfi. Ça ne le suffit pas. Voyez. Ou lakin, ou le fakir ou le miskin, le fakir et puis le miskin, Kalimatani, ces deux paroles, idajtama'a iftaraqa. Wa idajtaraqa iftama'a. Ma mana hadi kalima. Hadi jumla. Lorsque, naam, Lorsqu'ils sont séparés, ils ont un même sens. Mais lorsqu'ils sont ensemble, ils sont mentionnés ensemble, ils ont deux sens différents. Vous voyez? Quand il dit par exemple, Rajulu Miskin, ça veut dire, il est pauvre. Mais, fi nafsi l'waqt, si tu dis Rajulu Fakir walaysa Miskin, ça montre qu'il y a deux sens différents. Il est fakir mais n'est pas miskin. Ah oui, il est miskin mais n'est pas fakir. Donc on comprend par cela que le miskin, c'est celui qui a l'argent, qui travaille. Mais ce qu'il gagne ne le suffit pas. C'est compris? Mais le fakir, c'est celui qui ne travaille pas. Et aussi qui n'a pas d'argent. Alors, ou le miskin. Lakin, si les deux sont séparés et mentionnés, dans des phrases différentes, ça donne toujours le même sens de pauvre. C'est compris? Wabi'ibaratin ashal. Alors, par une autre expression plus facile, fa'inna kalimat al-faqir tudlaku taratan wa yuradu biha ma'na ghayra ma'na al-miskin. Donc, le mot fakir est souvent dit et on veut par cela un sens qui n'est pas le sens de miskin. Wa tutla qutaratan ukhra, et aussi c'est dit dans un autre sens, yani souvent wa yurad biha nafs al-ma'na al-miskin, et on veut par cela le même sens que miskin. Souvent on vient avec le mot fakir pour dire miskin. Souvent aussi, on vient pour dire ce qui n'est pas miskin. Comme Allah dit dans ce verset, s'ils étaient pareils, Allah n'allait pas mentionner les deux. Tu as compris? Allah dit, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Si miskin voulait forcément dire faqir, Allah n'allait pas mentionner miskin. Il a seulement dit un, et puis ça suffit les deux. C'est compris? Falam majtama'at fi hadhihi al-aya kalimata. Donc, lorsque ces deux mots-là se sont rassemblés, al-faqir wal-miskin, dalla hadha ala annahu yujadu farqun baynahuma fi al-ma'na. Alors cela montre que il y a une différence entre les deux dans le sens. Voyez, فكان الفقير هو, donc le pauvre c'est qui? هو المعدم, c'est celui qui manque. الذي لا مال عنده, il n'a pas d'argent, c'est celui qui est le fakir. والمسكين, le pauvre, الذي عنده أصل المال, celui qui a la base, c'est-à-dire l'argent. وَلَكِنَّهُ لَيَكْفِيهِ, mais l'argent ne le suffit pas. أَصْحَابِ السَّفِينَ, comme les gens du bateau, في سورة الكهف. أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ, Allah n'a pas dit les fuqara, il a dit les masakin, c'est-à-dire ils ont safina, يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ, ils travaillent sur la mer. إِنَّ اللَّهَ قَدَ ذكر أنهم كانوا يملكون سفينة. Allah mentionné qu'ils détenaient une pirogue. يتكسبون بها, et prenaient cela pour avoir de l'argent. ولكنها لا تكفيهم, mais cela ne les suffit pas. فوصفهم الله بأنهم مساكين, donc Allah les a décrits comme étant des masakin. أما لو ذكر الفقير وحده والمسكين وحده, mais si on mentionne fakir seul dans une phrase, dans une parole, et on mentionne miskin seul, alors كان المعنى واحدا, le sens sera pareil. هو من لا يملك كفايته, C'est celui qui ne détient pas ce qui lui suffit. Tu as compris? Sawaun inda wa asul mal, qu'il ait l'argent avec lui ou bien qu'il n'ait rien même. Wa qala ba'du ahli al-'ilm. Certains savants disent inna al-miskina wal mu'dim. Ça va? Le miskin, c'est celui qui n'a pas. Wal faqir, mais le pauvre, man la yamliku kifayatahu. Celui qui ne détient pas ce qui le suffit. C'est-à-dire, ils ont inversé le sens. Wa huwa aksu al-qawl as-sabiq. C'est le contraire de la parole précédente. Wa as-sawabu, ce qui est correct. Huwa anna al-faqir, le pauvre, al-mu'dim, c'est celui qui n'a pas. Wa al-miskinu, et le miskin, man la yamliku al-kifaya, c'est celui qui ne détient pas ce qui lui suffit. Donc voici ce qui est correct. Ok? Maintenant, mas'alatun. Une autre masala. Hal hunaka darajatun wusta. Est-ce qu'il y a un degré de milieu bayna al faqir wal ghani, entre le pauvre et le riche? Un intermédiaire, un degré intermédiaire. Ça va? C'est-à-dire, il n'est ni pauvre, il n'est ni riche. Baina, baina. Comme toi. Comme Rani Yung Jadid. Et puis tu as prouvé. D'accord. Après, quand Adam va t'attacher, là, faut pas dire. Ça la facilite. Donc, ici, c'est une masala qui est très importante. Est-ce qu'il y a un intermédiaire entre le pauvre et le riche? Bayna al-faqir wal-ghani. Am yuqal, ou bien on dit, man laysa faqiran fa huwa ghani. Ou bien on doit dire ça. Celui qui n'est pas pauvre, il est riche. وَمَنْ لَيْسَ غَنِيًّا فَهُوَ فَقِيرًا. Celui qui n'est pas riche, il est pauvre. Est-ce qu'on doit dire cela? C'est-à-dire, il n'y a pas manzila bayna manzilatayn. Là, on ne parle pas d'akida, on parle de manzila bayna al-faqir wal ghani. طيب اختلف أهل العلم في هذا. Les savants se sont divergés à ce sujet. فقال البعض, c'était on dit ضابط الفرق بين الغني والفقير, la règle dans la différence entre le pauvre et le riche, milkun nisab, c'est celui qui détient le nisab de la zakat. Celui-là, فإذا ملك النصاب, si il détient nisab ou la zakat, فهو غني تجب عليه الصدقة. طبعا فهو غني تجب عليه الصدقة. Il est obligatoire pour lui maintenant de faire la zakat. Ça va? وإذا لم يملك النصاب, mais s'il ne détient pas le nisab, le kuta, فهو فقير, il est pauvre, تجوز عليه الصدقة. Celui-là, il est permis de faire la zakat sur lui. Pourquoi on doit connaître l'intermédiaire? Parce que l'intermédiaire ne doit pas mériter la zakat. C'est compris? Il peut ne pas être riche. Mais aussi, il n'est pas fakir. Vous comprenez? Il n'est pas fakir dans le mana qu'on a donné. Il n'est pas miskin aussi. Quelqu'un peut être suffisant. Il se suffit lui-même. Il ne peut pas donner à quelqu'un, mais il n'a pas besoin aussi de quelqu'un. Voyez. Donc voilà pourquoi c'est important de connaître l'intermédiaire entre les deux. Voyez. Mais ici, les savants ont dit, celui qui n'a pas le nisab, alors la zakat est obligatoire pour lui. On doit lui donner la zakat. Celui qui n'a pas le nisab, on doit lui donner la zakat. Mais seulement que Hadal Kalam, Muntakid, c'est une parole qui est réprochée. Parce que une personne ne peut ne pas avoir le nisab pour donner, mais à la maison il se suffit. Il paye son loyer, il gère tout, il n'a pas besoin de quelqu'un, mais lui ne peut pas garder. Parce que c'est celui qui garde qui gagne le nisab. Est-ce que vous comprenez? On va continuer. Le cheikh dit wa sahi, ce qui est correct, wa ladhi alayhi al-jumhur, et c'est ce sur quoi est la majorité des savants, anna hunaka darajatun wusta, il y a un degré intermédiaire ma bayna al-faqir wa al-ghani, entre le riche et le pauvre. Fa imma faqirun, soit il est pauvre, yastahiq as-sadaqa, il mérite qu'on lui donne la zakat. Aw ghaniyun, ou bien il est riche, yajibu alayhi as-sadaqa, il est obligatoire de donner la zakat. Tous les riches doivent donner la zakat. Ok? Wa huwa alladhi malaka an-nisab, et c'est celui qui détient le nisab. Huwa aw muktafin, ou bien celui qui se suffit. Wa huwa al-maliku lil-kifaya, c'est celui qui détient ce qui lui suffit. Wa hadha, celui-là, la tajibu alayhi zakah, il ne lui est pas obligatoire de donner la zakat. Voilà, tajouz ou la zaka, et il n'est pas permis qu'on lui donne la zaka. Voici l'intermédiaire. C'est vrai qu'il ne gagne pas le nisab, ça ne veut pas dire que il n'a pas d'argent. Il peut avoir l'argent qui le suffit. Maintenant, ceux qui sont payés par moi, là-bas, ils sont des fonctionnaires. Ils ont un salaire. Et ils n'économisent pas. C'est-à-dire l'argent qui vient, il calcule ce qu'il doit donner dans la maison, ce qu'il doit donner dans le courant, ce qu'il doit mettre dans le transport, ce qu'il doit mettre dans la nourriture, ce qu'il doit garder à côté pour les soins médicaux. Donc, le salaire le suffit. Est-ce que celui-là, on dira qu'il est riche? Il n'est pas riche. Mais il n'est pas non plus pauvre aussi. Il est suffisant, intermédiaire. Ça va? Donc il faut comprendre cela. Wad-dalilu ala hadha sinf, la preuve qui montre qu'il y a un degré intermédiaire, annahu qad warada anin nabi, c'est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam fi akthar min hadithin, dans plusieurs hadiths, أنه كان يستعيذ من الفقر, il demandait protection contre la pauvreté. C'est rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad, Abu Daoud, والنسائي وابن ماجه dans les Sunan, d'après Abu Hurayra. وفي نفس الوقت, mais dans le même moment, كان يدعو ويقول, il disait اللهم اجعل رزقي Ali Muhammad Koutan. Il dit Allah, fait que la subsistance de la famille de Muhammad soit la nourriture. La nourriture qu'il mange. C'est-à-dire ce qui lui suffit comme nourriture. Voyez, rapporté par Bukhari et Muslim d'après Abu Hurayra. Wa fi riwaya, dans une autre riwaya, اللهم اجعل قوت اجعل رزق آل محمد كفافا. كفافا بمعنى ما يكفي لسد الحاجة. Ce qui suffit pour fermer le besoin. والرواية عند مسلم هي الرواية qui vient chez مسلم والمعنى كما قال أهل العلم. Le sens de ce qu'on vient de voir, comme a dit les savants, ma yasuddu al-ramq, yani ma yasuddu al-haja wa'a waqt. Tayyib, wa qalu huwa ma takufu bihi al-haja wa yadfa'u ad-darurat. C'est ce qui suffit pour le besoin et repousse les nécessités et les difficultés. والفاقات الى pauvreté. À ce moment, ولا يلحق بأهل الترفهات. On ne le met pas avec les gens qui sont dans le luxe. فلا يكون فيه فضول يخرج الى الترف. Et quelque chose, un ajout ne va pas venir le faire sortir pour le mettre dans le taraf, c'est-à-dire dans le luxe. طيب نسأل الله العافية والسلامة. فاستعاذته من الفقر. La istiaza du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de la pauvreté huwa talabul kifaya, c'est qu'il demandait la suffisance. Donc yadullu ala man malaka al kifaya, cela montre que celui qui détient ce qui le suffit, laysa bi faqirin, il n'est pas pauvre. طيب نعم. Est-ce que vous avez compris le istidlal? طيب دوم. Le prophète صلى الله عليه وسلم il demandait à Allah سبحانه وتعالى de lui donner ce qui le suffit. Et dans ce وقت cela exprimait le fait qu'il demandait à Allah de l'enlever dans la pauvreté. Et sa demande dans le fait qu'il demande à Allah de l'enlever dans la pauvreté impliquait ici le fait qu'il demandait ce qui lui suffisait. S'il gagnait ce qui lui suffisait, alors il sortait de la pauvreté. C'est compris? Il sortait de la pauvreté. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. فأثبتنا بذلك درجة الوسطى. Donc on a affirmé maintenant le degré d'intermédiaire entre le pauvre et le riche à travers le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم. Donc فالضابط, la règle ici c'est quoi? La règle عندنا في الفقير, chez nous au sujet du pauvre, الذي تجوز عليه الزكاة, celui dont la zakat est permis qu'on lui donne, هو من لم يملك كفايته, c'est celui qui ne détient pas ce qui le suffit, c'est-à-dire ce qui le suffit il n'a pas. طيب, même s'il travaille, même s'il a un salaire. طيب, quelqu'un peut travailler, avoir un salaire, mais il a beaucoup de personnes sous sa charge. Soyez. Il peut aussi avoir que son épouse et ses enfants, mais le salaire n'est pas suffisant. Donc, à la dorbite, هل يجوز أن يكون الشخص Est-ce que c'est permis qu'une personne ait, c'est possible, qu'il ait ratiboun, un salaire, mais d'arouhu arba imiati ou khamset imiati dinar, c'est-à-dire il a 400 ou 500 dinars, une personne qui a ceci, ou yakounu miskinan moustaïkan li zakat, et être pauvre et mériter la zakat. C'est comme ici, nous disons, quelqu'un qui a 300 000 ou 400 000 par mois, je dis bien en francs CFA. Il a 300 000 ou 400 000. Chez certaines personnes, dès que tu dis ça, ah, c'est un salaire. Ça, c'est un salaire qui est quand même élevé. Mais chez certaines personnes, ce n'est pas un salaire. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un salaire qui le suffit. Cela dépend de son besoin et de ce qui est sous sa charge. Je parle ici de ce qui est sous sa charge, comme le chef le dit ici, ce sont ses dépenses dans la famille. C'est-à-dire la nourriture de sa famille. La maison qu'il paye, les factures pour pouvoir vivre pour la famille. Mais si c'est quelqu'un qui va avoir 400 000 pour aller dépenser au moins 10 000 chaque jour dehors, dans les grands restaurants, ou bien à la plage, ou bien quelque part, et puis dit que ça ne lui suffit pas, à la barre. Vous comprenez? Et le chèque va mentionner ça ici. Donc, فَإِنَّ مِنْ أَرْبَابِ الْعَائِلَاتِ ceux qui ont les familles, c'est-à-dire أَرْبَابِ الْعَائِلَاتِ c'est رَبُّ الْبَيْتِ le chef de la maison. مَنْ يَتَقَاضَى مِثْلَ هَذَا الرَّاتِ celui qui prend ce genre de salaire. وَلَكِنَّهُ لَا يُسَاوِي شَيْئًا mais ça ne vaut rien. Binis bati le hajati a ilati. Selon les besoins de sa famille, ça ne lui suffit pas. Fahada yuta mina zakat. Celui-là, on lui donne la zakat. T'as compris? On lui donne la zakat. Donc, fadabit izan. ليس بالقدر الذي يتقاضاه الشخص. Ce n'est pas le salaire, c'est-à-dire le degré du salaire qu'il prend. Ce n'est pas cela. Donc ce n'est pas ça la règle. Afin qu'on dise non, si une personne a déjà 100 000, il ne mérite pas zakat. Ou bien une personne a 1 million même, il ne mérite pas zakat. Il peut avoir 1 million et puis mériter la zakat. Cela dépend. Vous comprenez? Il a par exemple beaucoup d'enfants. Hein? Il y a des rijals, il peut avoir au moins 4 azouaj. Et puis les enfants, 50 ou plus. Azarajouloun. Hein? Mais, on lui donne 1 million par mois, ça ne lui suffit pas. N'est-ce pas? As-salallah. An yurtiyana al-qana'a. Allah nous accorde la suffisance. Fayyib. Walakin al-dhabit bil-kifaya. Mais la règle dans la suffisance, c'est hasb al-urfi, c'est selon al-urf. C'est-à-dire, al-urf, c'est quoi? Non, urf, la coutume. C'est qui est chez nous. Ça va? Maintenant, je prends un exemple. En Europe, si quelqu'un, il travaille, on lui donne un salaire de 500 euros. Si on convertit ces 500 euros ici, ça fait combien? Hein? C'est beaucoup. Ça va dans 300 000, je pense. Hein? Ok. Là-bas, ça ne peut même pas lui suffire. 500 euros, ça ne suffit pas. Mais, ici, si on convertit ici, ça peut louer une maison, payer des factures, et nourrir une personne. Mais là-bas, louer une maison, un appartement, avec ta femme, mon ami, tu vas gratter à terre. Peut-être même après, tu vas aller payer tant pour dormir dans la rue. C'est ça la réalité. Donc, d'un endroit à un autre, ce n'est pas pareil. Vous comprenez? Non. Donc, Adobit bil kifaya, c'est hasb al urfi. Selon la coutume, selon là où vous êtes, ce dont les gens sont accoutumés, c'est-à-dire ils sont habitués, les factures, les loyers, les dépenses, ça dépend. C'est pas la même chose. Ok? C'est-à-dire, là, yasihu li shakhsi an yabzura. Mais ce n'est pas correct qu'une personne an yubadira wa yusrif de gaspiller summa yakul laysa indi kifayati. Et ensuite, il dit, j'ai pas ce qui me suffit. Il dépense, hein, sans compter. Cela arrive. Walakin yanzur mithlahu thumma yunfiqu adatan. Il dépense comme d'habitude. Wa yuhaddidu ala hasabi. Et il calcule, il précise selon ce qui est connu dans la coutume. Ça va? Il a des dépenses obligatoires et il y a des dépenses qui ne sont pas obligatoires sur la personne. Vous comprenez? Il y a des dépenses qui sont obligatoires et des dépenses qui ne sont pas obligatoires. Masalan, je vais vous donner un exemple. Par exemple, tu es dans ta maison. Ta maison, ça fait déjà 100 000 francs. Toi, tu gagnes 300 000 ou bien 350 000. Dans ta maison, tu gagnes et tu payes la maison à 100 000. C'est un exemple. Et tu as 350 000. Si tu payes la maison, il te reste combien? 250 000. C'est pas ça? Franc CFA. Ok. Maintenant, lorsque tu calcules le sac de riz, tu es avec ta femme et puis ton enfant, vous n'êtes pas beaucoup. Tu calcules le sac de riz. Et puis les dépenses pour manger, ça s'élève à 100 000. Ça fait déjà combien? 200 000. Maintenant, lorsque tu calcules les factures, ça s'élève à peu près à 30 000. C'est pas cela? Il y a ça. Ensuite, tu t'en vas prendre 8 filles, qu'on paie à 50 000. Tu viens mettre chez toi. Ensuite, dans ta télé, tu payes Canal. Tu payes des chaînes d'application telles que les Netflix, les autres chaînes. Et ensuite, pour venir, tu peux ramasser ta poubelle pour aller verser. Mais tu prends quelqu'un pour venir ramasser poubelle. Et tu le payes. Hein? Ensuite encore, ton travail, c'est peut-être moins d'un kilomètre. Mais chaque jour, tu empruntes pour partir, Yango. Chaque jour, tu prends Yango et puis tu t'en vas. Et tu dis, ton argent ne te suffit pas. Et toi, tu es le fakir dont on doit faire zakat sur lui. Ça, c'est un boss. Ça va nous préserver. C'est juste un exemple, hein. C'est pas pour faire rire. Al-amilina alayha. Al-amilina alayhi. Maintenant, deuxième signe, dans la troisième, c'est le troisième qui est là, c'est ça? Le troisième, c'est ceux qui travaillent dans la zakat. وَهُمُ الْعَامِلُونَ عَلَى الزَّكَاتِ. C'est ceux qui travaillent dans le recueillement de la zakat. كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْآيَةِ. Comme Allah dit dans le verset. هُمُ الَّذِينَ يُوَلِّيهِمُ الْإِمَامِ. C'est ceux dont l'autorité le charge. أَوْ نَائِبَ الْإِمَامِ. Ou bien le second de l'autorité. جَمَعَ الزَّكَاتِ. Pour rassembler la zakat. Au sorfiha, ou bien aller donner la zakat et masarifiha, ou donner la zakat aux gens qui méritent la zakat. Dans cela, fa'innahum yu'tuna ujrata amalihim. On leur donne leur salaire, la récompense de l'action qu'ils font. Wa huwa jam'uhum li zakat. C'est le fait qu'ils rassemblent la zakat. Dans les pays musulmans, c'est les gens qui sont là spécialement pour ça. Vous comprenez? Ils ont même des archives, des notes. Tous ceux qui ont donné la zakat, ils ont leur nom. Et quand le moment arrive, et ils ont tracé le moment. Si tu as donné à Muharram, il met Muharram prochain. Il doit aller t'encaisser. Si le Muharram arrive, il vient te voir. Sauf si tu n'as pas le quota, le nisab. Mais si le Muharram arrive, il va te voir. C'est les gens, c'est leur travail. Ça va? C'est leur travail. Non. Les récoltes d'aide. La zakat. Très bonne question. Pour laisser à la fin. Hein? C'est une bonne question. Ils font les demandes d'aide. Et souvent, ils mettent même à but non lucratif. Mais après, ils font leur business dedans. C'est ça, non? Donc, à la fin, tu poses la question. On va arrêter après, ici, avant de rentrer dans Al-Ghamiri. Voyez? Ok. Donc, ici, comme on a dit, ceux qui travaillent dans la zakat, alors on les paye. Sawan kana aghniya, qu'ils soient des riches, ou fuqara, ou bien qu'ils soient des pauvres, on les donne la zakat. Parce qu'ils travaillent dans la zakat. Je ne parle pas de celui, masalan, on l'envoie de l'argent. On lui donne la zakat à telle personne. Prend de l'argent, donne la zakat. Et lui-même, il se donne comme argument. Amelina Aliya, et puis il enlève la zakat. Masalan, j'envoie de l'argent à Bouraslan. Et je lui dis, il faut donner 50 000 à Suleiman. Et puis Bouraslan dit, bon, est-ce que moi je ne suis pas Amelina la zakat? Si j'enlève 30 000 dedans, et je donne 20 000 à Suleiman, c'est bon. Antallah stabi amil. Ça va? D'autres savants disent que pour que tu sois le amil dans la zakat, il faut que les shurut soient remplis. Ça va? C'est masala dans un bilad, il y a un imam qui te charge. C'est-à-dire, on t'a choisi pour travailler dans la zakat. Antallah amil. Ça va? D'autres aussi, yuwasi'un. Ils disent non. Tant qu'une personne s'est portée garant, responsable de récolter la zakat, surtout dans les bilads qui ne sont pas les bilads musulmans. Il y a des gens, ils ne savent pas qu'ils doivent donner la zakat. Il y a des gens même, il faut que tu les rappelles. Donc cette personne-là peut aussi prendre dans la zakat. Pourquoi? Parce qu'il travaille et il récolte la zakat des gens et puis donne à d'autres personnes. Donc ils disent que c'est permis que cette personne puisse enlever dans la zakat. C'est compris? Non. Al-mu'allafatu kulubuhum. Al-mu'allafa, c'est ce dont on attire leur cœur. C'est-à-dire, on veut les ramener à l'islam. Wahum qawmun yuradu jama kulubihim ala l'iman. Ce sont des gens dont on veut ramener leur cœur sur la foi. Imma yakunu dhaafu l'iman. Soit c'est des gens qui ont la foi faible. Fitakwiyati imanihim. On les donne pour pouvoir renforcer leur foi. Khayrun, il y a un bien dans cela. Wal manfa'atun de l'islam. Et il y a un intérêt dans l'islam pour cela. On sait que sur lui là, il a une foi qui est kawi. Ça serait un bien pour l'islam. Ça serait un bien pour nous. En ce moment, on lui donne la zakat. On lui donne la zakat. Toyib. Aou yakounu fukara kufaran. Ou bien soit ils sont des pauvres, mais ils sont des mécréants. Wa fi imanihim khayrun lil islam wal muslimin. Mais si cela est quoi, il y a un bien pour l'islam et les musulmans. Fa yutuna min hadhihi zakat. On leur donne la zakat li ta'lif qulubihim lil islam. Afin de les ramener ou bien de avoir leur cœur et ramener leur cœur à l'islam. Voilà ce dont on peut leur donner la zakat parmi les mécréants. Par exemple, dans ton quartier ou bien à côté de toi, il y a un mécréant. Tu sais que lui-là, Bismillah, s'il se convertit, ça serait bien pour lui-même et puis pour les gens du quartier. Non. Mazalan, c'est une personne fasique. Il fait toutes sortes de perversités. Il joue la musique. Il dérange les gens dans le quartier. Mais tu sais que c'est quelqu'un, si on lui parle, il ne va pas comprendre. Mais il y a des gens, quand il y a intérêt, ils sont là-bas. Donc tu prends une zakat et puis tu vas lui donner. Et tu lui dis, c'est la zakat, je suis venu te remettre. Celui-là, je pense que tu auras mis quelque chose dans son cœur. Après, maintenant, si tu viens lui parler, il va t'écouter. Il va tendre l'oreille, Inch'Allah. Donc, ces personnes, on peut leur donner la zakat, même si c'est un mécréant. Toyib, wa fir riqabi. Et ar-riqabi. Mais j'ai peur que nous ne puissions pas finir cette partie. Voyez, mais on va aller un peu vite pour finir, Inch'Allah. Ok? Wa fi riqabi, riqab, ce sont les esclaves. Aïe fi l'itqi, c'est-à-dire dans la libération des esclaves. On peut donner la zakat. Wal muradu al-abdul muslim, c'est-à-dire l'esclave musulman, ou l'ama, ou bien l'esclave femme, yushtara wa yu'ta. On les achète et on les libère avec la zakat. Aw yakunu mukatiban. C'est-à-dire mukatib, c'est celui, l'esclave, qui a signé un contrat avec son maître. Ça va? Le maître a écrit quelque chose. Si tu atteins ce quota de travail, si tu as pu faire cela, je te libère. Ou bien soit, si tu as eu telle somme pour me donner, je te libère. Ça va? Donc, fayouta min mali zakat, on donne de l'argent de la zakat, ma yasuddu bihi kitabatu, yasira hurran, ce qui va fermer le contrat qu'il y a entre l'esclave et son maître afin d'être libre. Wal makatibu huwa alladhi yukatibu sayyidu. C'est celui qui écrit à son maître, ay bi aqdi aqdan ma sayyidi. Il fait un contrat un pacte avec son maître. Ça va? Par le fait qu'il veut lui donner une somme d'argent. Muqabila an yataharra. À compensation d'être libéré. Fabada an yatfa'ala 'abd al-mablagh kamilan. Après que l'esclave ait donné l'argent complet, laissé yidihi à son maître, yasiru hurran. Il devient libre. Donc, wa fi ja'ali Allah 'azza wa jalla 'al-'abd wal-amata al-mukatibina aw mukatibayn min masarif az-zakat. Dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait mis l'esclave qui a un engagement avec son maître, ou l'esclave même, dans la zakat, parmi les gens qui doivent payer, à qui on doit donner la zakat, dalilun ala tashawwuf al-islam lil-itqi wa tahrir an-nas min ar-riq. C'est une preuve que l'islam veut la libération des esclaves. Et aussi, la libération des gens de l'esclavage. Et ici, l'islam n'a pas aboli. L'islam donne à l'avantage à la libération des esclaves. Parce que même, il y a plusieurs textes qui viennent. Celui qui fait ceci, qui libère un esclave, peut être pardonné. Donc, ça montre que l'islam met en avant la libération des esclaves. Fayyib. فإن الإسلام إنما جاء وجد باب الرق مفتوحا بشكل كبير. Lorsque l'islam est venu, a trouvé la porte de l'esclavage ouverte d'une manière grandiose. فضيق سبله. L'islam a restreint ses voies. ووسع سبل العتق. Et l'islam a élargi les voies de libération des esclaves. ولكن ليس على الإطلاق بالسورة. Il dit, mais ce n'est pas à l'itlaq de manière absolue. À l'étitou jadul yaoum indan nas, qu'on trouve auprès des gens aujourd'hui. Ça va? Walakin lauqala qa'i. Mais si quelqu'un dit, dimada lam yughlaq bab ar-riq bil kulliyya. Pourquoi l'islam n'a pas fermé carrément la porte même de l'esclavage? Totalement. Pourquoi l'islam n'a pas fermé totalement? Kulna, le cheikh il dit, nous disons, لأن هناك مصلحة, car il y a un intérêt. في سورة معينة, d'une manière spécifique, la Bouddha en tabqa, il faut que l'esclavage reste. لماذا? وهي محققة في قول النبي صلى الله عليه وسلم. C'est concrétisé dans la parole du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit, عجب ربنا من أناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل. Allah s'étonne de certaines personnes qu'on les conduit jusqu'au paradis avec des chiens. Parce que normalement, quand il va en bataille, vous prenez des esclaves, l'esclave, il se convertit et puis il reste esclave. Il devient musulman, vil wujub. Soyez, il devient musulman, il reste esclave. Donc ici, on l'a enchaîné étant esclave, puis dounia, mais on l'a conduit directement au paradis ou pas. Parce qu'il est devenu musulman. Ici, suratul riqqa al-baqiya. Donc l'esclavage, ça reste. Ce qui va rester de l'esclavage, il y a fil djihad. C'est dans le djihad. Fa'inna al-qital. Lorsqu'on fait le combat, yukhadhu an-nisa was-sibyan raqiqan. On saisit les femmes et les enfants comme des esclaves. Comme al-maslaha min zalik. Quel est l'intérêt de cela? D'abord, sachez que si les musulmans vont combattre, ou bien des gens combattent les musulmans, il y a une guerre, et que les hommes ont été capturés, c'est-à-dire les ennemis ont été capturés et ont été. Souvent, si on laisse les enfants et les femmes comme ça, ils vont mourir de faim. Et souvent, les d'autres ennemis plus graves vont venir les prendre et vont faire ce que Allahu bihi alim, que Allah seul connaît. Regardez ici, awalan, idkhaluhum fil islam. Quand on les prend, on les met dans l'islam d'abord. Wahia a'adhamu maslam. Et c'est le plus immense intérêt. Fayaksibuna birqihim. Ils restent esclaves fi dunya et ils obtiennent dans leur esclavage fi dunya akhiratam. Leur oudina. Par ripon fi dunya, ils restent esclaves de la dunya. Yuqabilu sa'adat al-akhirat al-abadiyya. Sachez, il va obtenir le bonheur dans l'au-delà. Non. Parce que dès qu'on les prend comme esclaves, ils se convertissent. Ensuite, ils restent esclaves, vrai, mais ils restent croyants, musulmans, et ils vont au paradis. Mais si on les avait laissés, ils allaient devenir musulmans. Saniyan, hebzogum fi dunya, leur préservation dans la dunya. Fafi halil hurub wal qital, dans les moments de guerre et de combat, fa inna aksar man yudoyi nisa wal atfal, sont nombreux ceux qui délaissent les enfants et les femmes. Jour, avec la faim, wa qatl, ils sont même tués, wa adab, ils sont châtiés, wa aitida, on transgresse sur eux. Wasif matasha fi nisa wal atfal. Décris ce que tu veux au sujet des femmes et puis des enfants. Viole les femmes, ils délaissent, ils les frappent. Ils font toutes sortes de conneries. Non? Faiza akh ukhizu raqiqan. Mais s'ils sont pris comme esclaves, hufizu, ils sont préservés. Pourquoi? Faqad ja'ala Allahu shari lahum huquqan. Le législateur qui est Allah les a donné un droit. Étant esclaves, فَلَا يَجُوزُ الْإِتِدَى عَلَيْهِمْ, il n'est pas permis de transgresser sur eux بِأَيِّ نَوْءٍ مِنْ أَنْوَاءِ الْعَذَابِ, par n'importe quel type de châtiment. وَلَا الْإِهَانَ, ni rabaissement. وَيَجِدُونَ لَهُمْ مَكَانًا, ils trouvent un endroit pour eux, c'est-à-dire celui qui les prend comme esclaves, ils trouvent un endroit pour eux. يَحْفَظُهُمْ وَيُؤْوِيهِمْ, un endroit qui va les héberger et qui va les préserver. فَيَكُلُونَ, ils mangent. وَيَشْرَبُونَ, ils boivent. وَيَنَامُونَ, ils dorment. وَيَسْتَرِحُونَ, ils se reposent. وَلَا يَشْتَرِدُونَ, ils ne fuient pas. وَيُدَيِّئُونَ, et ils restent comme ça. كَالْحَالِ الْحَاسِلَةِ الْيَوْمِ, comme ce qui arrive aujourd'hui. وَالْمَصَالِ كَسِيرَ هَذِهِ مِنْهَا, il y a beaucoup d'intérêt dans cela et cet intérêt-là en fait partie. Pourquoi le cheikh dit pas comme aujourd'hui? Parce que al-yawm, aujourd'hui, certaines personnes ja'alu ashiya'an riqatan wa la tariqa. Ils ont mis des choses comme esclavage alors que ce n'est pas de l'esclavage. Même dans les pays arabes. Hunaka min al-fussaq, il y a des dévergondés, des pervers, qui achètent nos sœurs de l'Afrique ici par des contrats. Ils achètent. Pas, ils payent, ils la payent par moi comme servante. Non, ils achètent. Et ceux maintenant qui promettent l'Eldorado à ces filles-là, ils disent non, si tu vas dans tel coin, tu vas aller travailler pour venir nourrir ta famille. À laquelle ils les vendent. Et quand ils les vendent maintenant, on les paye la moitié. Et puis maintenant, ils les font partir dans ces pays. Et on fait tout ce qu'on veut avec ces filles-là. On les maltraite. On les fait tout ce qu'on veut parce qu'eux, ils les considèrent comme des esclaves. Parce qu'ils les ont achetés. Dans beaucoup de pays, ils font ça. Mais ceux qui sont ici ne disent pas que on vous a vendu. Donc voilà pourquoi beaucoup d'entre elles s'échappent. Elles fuient. Mais quand on les attrape, même souvent, même on peut les tuer. Sans même que personne ne sache qu'on l'a tué même. Il y a d'autres qui ont disparu jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas où elles sont. Beaucoup ne vivent plus. Et aussi, dans d'autres pays comme la Libye, il y a eu la guerre. Nos frères qui veulent aller en Europe par tous les moyens, et nos sœurs, elles vont se retrouver en Libye. Les Arabes qui sont là-bas, ils les attrapent. Des Libanais qui n'ont rien à voir avec le dîme. Après, tu vois, les gens disent, non, les Arabes, ils sont mauvais. Là, faut pas, là, tu as mis. Faut pas généraliser. Voyez? Mais quand ils les prennent là-bas maintenant, ils les blâment et puis ils les vendent comme esclaves. Ils les vendent comme esclaves. Quelque chose n'a pas acheté du vin. Ensuite, quand ils les vendent maintenant comme esclaves, ceux maintenant qui les achètent les utilisent comme esclaves. Après, maintenant, quand elles sortent de ce bourbier, c'est-à-dire de cette difficulté, elles viennent s'asseoir, il me violait, il me faisait ceci. Non. Lui pense que c'est son esclave. Lui pense que c'est son haram. Mais c'est-à-dire qu'il t'a violé. Ou bien il t'a fait ceci, il t'a fait cela. Et après, maintenant, c'est la maltraitance. Et c'est enregistré quelque part dans leur tête que forcément l'esclave, il doit être noir. Oui. Voilà pourquoi c'est nos soeurs, ils achètent. Ou bien nos frères qui veulent aller, qui passent par la Libye, c'est eux, ils achètent. C'est les Arabes, ils achètent. C'est les Blancs. Non. Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Demande à Allah de nous préserver. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.